don't wanna lose you. Tu es comme mes deux yeux, tu es comme Icosium. Non, c'est pas un movie. Hier je me sauvais, aujourd'hui en Louis V. Ouais, l'argent ne ment pas. Non, l'argent ne ment pas, je suis resté sympa. Je suis revenu en bas. Et j'ai failli mourir, jalousie des pourris. Ouais, ça me paraît normal. Comme un gauche à Paname, comme un keuf à Sasa. Ouais, tout le monde est dopé. C'est devenu banal, ton prof c'est mon Yonkli, ouais. Mademoiselle, je ne suis qu'un démon magnifique. Ouh yeah, je suis suivi par un mauvais œil qui veut me briser. Douleur, hey. Tirez-moi dessus, je ressens plus la douleur. Non, hey. Je ressens plus la douleur, non. Hey. Hey, c'est trop tard, là c'est trop tard, là c'est trop ça. Je me barre parce que je m'en barre de leur vie de resta. Hey. Dollar, rappel problème. Hey. Trop tard, là c'est trop tard, c'est plus la même. Y'a des sous et des soucis, des pitons et des putas, des vatos et des victimes. Y'a des braves et des poucaves qui sont ces vis de table. Et en plus ils sont besaves. C'est qui me fait des poussettes. Je mange l'as, j'lui fais des fossettes. Je repartirai dans l'oubli. T'auras toujours pas ses pères. Je te vois, tu supplies. Juste pour qu'on te donne l'air. Douleur, hey. Tirez-moi dessus, je ressens plus la douleur. Non, hey. Je ressens plus la douleur, non, hey. Bah. On va rester debout. Jetez-nous dans un trou, on trouvera de l'or. Océan de succès, océan de succès. Je perds pas le nord. On va rester debout. Jetez-nous dans un trou, on trouvera de l'or. Océan de succès, océan de succès. Je perds pas le nord.